Charlie Oleg. Mesdames et messieurs, formidable. Tommy, tu joues faux. Tommy, t'es complètement faux là. T'es à la ramasse. Eh bien, mes chers frères et sœurs, ce soir, nous allons prier. Nous sommes réunis dans cette église. Why does it seem we ignore everyone? Ce qui veut dire en français. Pourquoi? Ah, bah déjà c'est mieux là, 70. Là, attention là. Là, ça va envoyer la purée. Allez, 70. ne veux pas. Y'a des notes qui ne veulent pas prendre. Ah, il veut pas la prendre. Ah, ça y est, j'ai compris. Mais des fois ça décroche, ça fait des notes merdiques. Maintenant je prends une gamme, c'est faux ça. Je n'ai pas compris comment ça marche. Et pourquoi ça veut pas comme ça? Et pourquoi ça veut pas comme ça? je prône pas le rap français. Y'a un saxophoniste qui saxophonait avec lui. Je crois qu'il n'était pas content. Tu sais à quel point j'aime le saxophone. Et j'aime bien aussi l'orgue, l'organe de préférence. Ouvre ta moustache. Attends, je vais transformer ma voix. Fantomas. Fantomas. Fantomas. We'll be right back. Do dièse. Do dièse. Do dièse. Pourquoi ça fait un dièse? Do dièse. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. We'll be right back. La force est avec toi, Ulrich. Tu peux t'en servir. Et tu pourras vaincre. Luke Skywalker, je suis ton père. Je suis ton père. Tommy, je suis ton père aussi. Je suis ton inspiration. Tommy, je suis ton père, Tommy. Alors, qui est-ce qui est ce soir? Je crois que j'allais dire bonjour à Jules, mon ami Jules. Jules, la personne qui